بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا ندخل في درس جديد والدرس الرابع تقييم درس بعنوان في الدكان. طيب الدكان، دكان سي مغازين بوتيك كما تسمى معروف. قال الكلمات الجديدة الدكان، دكان سي مغازين بوتيك. القطن، القطن سي القطن la matière, le coton. Plutôt la plante, mais bon, là, il vise la matière. Maqasu, ça c'est mesure, taille. Al-loun, couleur. Al-jam, c'est al-wan. Aswadu, c'est noir. Là, ils ont fait une erreur, ils ont écrit aswadun, avec une tanouine. Aswadu, c'est le mot min sarf. Il n'y a pas de tanouine. Aswad, c'est noir. Azraq, c'est bleu. Par les métalloïdes, on n'aurait pas dû en mettre. Bunni, c'est marron. Bunniyun, c'est marron. Qa'ima, al-as'ar, c'est la liste des prix. As'ar, c'est le jam de sir, qui veut dire prix. Asa, ça c'est un verbe jamid, qui a plusieurs sens. Et là, dans le sens, il se peut. C'est un peu plus large que ça, mais là, c'est ce qu'il parle. Ba'i'un, c'est le ism fa'il de ba'a yabi'u, c'est le vendeur. Boussa, c'est un pouce. Hein? Un pouce. Mais pas le pouce, ton doigt. Ça, c'est l'ibham, ça s'appelle. Mais ça, c'est une mesure, un pouce. Mais je pense pas que c'est l'arabe. Comme on dit, hein, mètre, senti, boussa, c'est une mesure également. Toi, il y avait le hiwa. On a trois. طيب سأقرأ مصطفى والباء حسن. أنا سأقرأ البائية وأنت مصطفى وحسن، تمام؟ تفضل أقرب حتى نسمع صوتك. مصطفى تفضل. هيا ندخل هذا المحل. ندخل مجزوم سكون. هيا ندخل هذا المحل يا حسن، إنني أرى فيه أنواعا من الملابس، من الملابس المختلفة. نعم. إلي علي rendre ce محل أو حسن، car j'y vois différentes sortes de vêtements. هكذا. أقرأ حسن كذلك. نعم. أنت حسن كذلك. عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. ما نحتاج. ما نحتاج. ما نحتاج إليه. نعم. Il se peut qu'on y trouve ce dont nous avons besoin. عسى, c'est ça que ça veut dire. À ce moment-là. Il y a d'autres معاني, mais là, c'est ça qu'il veut dire. مساء الخير. C'est une salutation. On le dit salam alaykoum. Ah. Tu vois, il dit مساء الخير. Comme il dit صباح الخير. Ah. Ça, bonjour, bon matin. Bon après-midi. بياكل مرحبا تفضل. ماذا تريدان؟ Donc il dit bienvenue. Tafaddala, c'est une formule de politesse pour te dire donne-toi la peine ou rien d'alika. Qu'est-ce que vous voulez, c'est-à-dire tous les deux? Uridu sarawila. Sarawila. Ouais, il dit pantalon, mais nous on a dit que pantalon, on passe. Sarawila, aywa. Min as-sufi wa qamisan min al-qutn. Ya'da malabis ash-shita'i. Malabis ash-shita'i. Donc il dit je veux un sarawil en laine. Mine souf, c'est en laine. Souf, c'est la laine. Et un kamis en coton. Et certains malabis, de vêtements divers. Mal maqasu al-lazi yunasibuk. Wa mal loun al-lazi tufaddiluhu. Donc il dit quelle est la taille qui te convient et quelle est la couleur que tu préfères. Maqasu al-sarawil 32. وثلاثون. اثنين وثلاثون بوسطا. ومقاس القميص اثنين و... لا. لا اثنى عشر. اثنى عشر. اثنى عشر بوسط. فأفضل سراولا. لا. لونه التنوين سراول. سراولا. سراولا. سراولا. لونه أسود وقميصا لونه أزرق أو بني. Donc il dit la taille du pharaouil c'est 32 pouces ou 36 pouces et la taille du kamis c'est 12 pouces. Et je préfère un pharaouil de couleur noire et un kamis de couleur bleu ou marron. Wa anta hal turidu shay'an? Et toi tu veux quelque chose? Na'am, uridu sarawila wa kamisan min an-naw' واللون الذي طلبه حسن. Okay, dit oui, je veux un sarawil et un kamis de la même sorte et couleur que celui que Hassan a demandé. البائع يقول تفضل هذه هي الملابس وهذه قائمة الأسعار. Donc voici les vêtements. تفضل voici les vêtements et voici la liste des prix. الأسعار غالية جدا. Les prix sont très élevé, très cher. قال لا الأسعار غالية هذه الأيام ولقد بعتكما بعتكما بسعر رخيص ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. Il dit non, les prix sont chers ces jours-ci seulement. Je vous ai vendu à tous les deux avec un prix peu onéreux. Prix réduit, on va dire. Bienvenue à vous dans notre boutique une autre fois. التدريب الأول سوف يكون على فور الميزان كان اليوم في التكست. طيب كم اكزرسيس اجيب عن الاسئله التاليه ريبون كاسيون سويفونت. ما زار مصطفى في الدكان؟ كاسكو مصطفى في الدكان؟ كيف كانت اجابه حسن؟ كو في لو ريبونس دو حسن؟ كيف استقبلهما التاجر؟ كومون سكو لو كوميرسون ليزا روسو؟ ماذا يريد حسن شراءه؟ كاسكو حسن فو اشتي؟ ما مقاس كل من السراويل والقميص؟ كي لا تاي دو شاكان دو يعني دو قميص اي دو سراويل. ما اللون الذي يفضل حسن للسراويل والقميص؟ كي لا كولور كو حسن بريفير بور لو سراويل اي لو قميص. ماذا قال البائع لحسن؟ كاسكو لو فوندور ا دي ا حسن؟ هل يريد مصطفى شيئا؟ اسكو مصطفى بغى كلكو شوز؟ كيف كانت الأسعار؟ comment étaient les prix؟ كيف باعهما التاجر؟ comment est-ce que le commerçant l'aura vendu؟ هذه أسئلة والأجوبة موجودة في النص. قال التدريب الثاني أكمل كما في النموذج. النموذج entre parenthèses دخل المحل. Là il faut que tu dises حيا. طيب حيا يا اخوتي هيك لا فاز هيا ندخل هذا المحل يا حسين. Donc attention هيا le verbe qui vient derrière tu vas mettre une soukoun il va être majzoum بالطلب. C'est un fi'l ça. C'est parce que c'est fi'l amr ou c'est un mot verbe un nom verbe qui a un sens d'ordre. C'est pour ça qu'il y a soukoun. عندنا ركب الحافلة. هيا نركب الحافلة. نركب. أيوة نركب. هيا نركب هذا الحافلة يا حسن. هذه. يا حسين. هذه. الحافلة. هذه الحافلة. dans le sens aller ou monte dans le dans ce bus là. سأل البائع. هيا نسأل هذا البائع يا حسين. نعم علي question on interroge ce vendeur ou Hussein. أكل الطعام. هيا نأكل هذا الطعام يا حسين. عليه مانشو cette nourriture حسين. دفع الثمن. payer le prix. هيا نفدع. ندفع. ندفع. ندفع. هيا ندفع هذا الثمن يا حسين. عليهم payer ce prix au حسين. ركب السيارة. montons la voiture. هيا نركب هذه السيارة يا حسين. نعم على منصة الفوتيو أو سيد. شاهد التلفاز. أيمي كسر. ولا كسر. هي نكسر. نكسر. نكسر. هي نكسر هذه التلفاز. هذا. هذا التلفاز. زا. يا حسين. علي وكسر التلي يا حسين. أيوة بسم الله. بس التكسير. إلو تنكر. كسر يكسره.

جمل الاولى سافر حسنون الى المدينه ان يجد عملا que حسن est parti à voyager à la Médina qui trouve du travail. سابعاً يزرع الفلاح que le paysan ou l'agriculteur cultive. Attends, trouver le mot qui va. Après, la phrase commence par un mot absent. التفلو اللبن أكثر من الشاب. L'enfant, le petit enfant, le lait plus que le jeune. Inna al-hadrawat ghaliyatun al-yawm. Certes, les légumes sont chers aujourd'hui. La uhibbu an anzura ila al-aswad. Je n'aime pas regarder. Yani noir. Sadisan. Le mot vide, yani le fara, التاجر كل ما معه التاجر كل ما معه من الأحذية. Donc le mot qui manque, après le commerçant, tout ce qu'il a avec lui comme chaussures. سابعا أجاب صديقي بأنه لا يريد. Mon ami a répondu qu'il ne voulait ثامنا الأحذية ليست واحدة. Des chaussures ne sont pas qu'une seule. Tafihan, maqasu al-sarawil sittu wa salathun. La mesure, la taille du sarawil est de 66. Toi, tu mets ce qu'il a derrière. يقول استعمل كل كلمات من الكلمات التالية في جملة مفيدة. Utilise les mots suivants dans des phrases mufidas. On a rakhis, pas cher. طلب المقاس, la mesure. نوع, une sorte. طلب, le désiré, le vouloir. الأسعار, c'est les prix. بنيون, marron. القطن, le coton. البائع, le vendeur. بوسا, le pouce. Et on va finir par le ta'asir. Les autres, on ne les fera pas. Kazalik, le bait, antajid, el asilel, jabat, et talia. Tu trouves la question ou réponse suivante. Awalen, makasu kamisi, khams, asharata bousa. La taille de mon kamis, c'est de 15 pouces. Thanien, kara'a Hassanun wa Mustafa qa'imat al-ashar. Que Hassan et Mustafa ont lu la liste des prix. Thalifan, ba'ahuma. Que le vendeur leur a vendu à prix pas cher. La lam yurjib alon hasanan. Que la couleur, non, la couleur n'a pas plu à Hassan. Khamisan, shakara huma al baya. Que le vendeur les a remerciés. Sadisan, hadi qaimatu al asra. Voici la liste des prix. Wal baqi la nafar. Et le reste, on ne fait pas. Samine. Là. Voilà. Tu as fait bien là. Tu as d'autres choses à faire.